Exode chapitre 16. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura, dans ce désert, contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de chair, et que nous mangions notre sou de pain, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et en recueillera chaque jour la provision d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il observera ma loi, ou non. Mais qu'ils apprêtent au sixième jour ce qu'ils auront apporté, et qu'il y ait le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. » Moïse donc, et Aaron, dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir vous saurez que l'Éternel vous a tiré du pays d'Égypte, et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a ouï vos murmures, qui sont contre l'Éternel. Car que sommes-nous, que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit donc, « Ce sera quand l'Éternel vous aura donné ce soir de la chair à manger, et qu'au matin il vous aura rassasié de pain, parce qu'il a ouï vos murmures, par lesquels vous avez murmuré contre lui, car que sommes-nous ? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. » Et Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous de la présence de l'Éternel, car il a ouï vos murmures. » Or il arriva qu'aussitôt qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent vers le désert, et voici, la gloire de l'Éternel se montra dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « J'ai vu les murmures des enfants d'Israël. Parle-leur, et leur dis, entre les deux vépreux vous mangerez de la chair, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Sur le soir donc, il monta des cailles qui couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée à l'entour du camp, et cette couche de rosée étant évanouie, voici, sur la superficie du désert, quelque chose de menu et de rond, comme du grésil sur la terre. Ce que les enfants d'Israël ayant vu, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce ? » Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Or ce que l'Éternel a commandé, c'est que chacun en recueille autant qu'il lui en faut pour sa nourriture, un homme par tête, selon le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et les uns en recueillirent plus, les autres moins. Et ils le mesuraient par homme, et celui qui en avait recueilli beaucoup, n'en avait pas plus qu'il ne lui en fallait, ni celui qui en avait recueilli peu, n'en avait pas moins. Mais chacun en recueillait selon ce qu'il en pouvait manger. Et Moïse leur avait dit, que personne n'en laisse rien de reste jusqu'au matin. Mais il y en eut qui n'obéirent point à Moïse, car quelques-uns en réservèrent jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers, et elle puait, et Moïse se mit en grande colère contre eux. Ainsi chacun en recueillait tous les matins, autant qu'il lui en fallait pour se nourrir, et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Mais le sixième jour ils recueillirent du pain au double, deux hommes pour chacun, et les principaux de l'assemblée vinrent pour le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, le sabbat sanctifié à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et serrez tout ce qui sera de surplus, pour le garder jusqu'au matin. Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et il ne pua point, ni il n'y eut point de ver dedans. Alors Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est au jour, oui le repos de l'Éternel, aujourd'hui vous n'en trouverez point au champ. Durant six jours vous le recueillerez, mais le septième est le sabbat, il n'y en aura point en ce jour-là. » Et au septième jour quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ? Considérez que l'Éternel vous a ordonné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours. Que chacun demeure au lieu où il sera, et qu'aucun ne sorte du lieu où il sera le septième jour. Le peuple donc se reposa le septième jour. Et la maison d'Israël nomma ce pain manne, et elle était comme de la semence de coriandre blanche, ayant le goût des beignets au miel. Et Moïse dit, voici ce que l'Éternel a commandé, qu'on en remplisse un homme pour le garder dans vos âges, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert, après vous avoir retiré du pays d'Égypte. Moïse donc dit à Aaron, on prend une cruche, et mets-y un plein nommé de manne, et le pose devant l'Éternel, pour être gardé dans vos âges. Et Aaron le posa devant le témoignage pour y être gardé, selon que le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne durant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils furent parvenus en un pays habité, ils mangèrent, dis-je, la manne, jusqu'à ce qu'ils furent parvenus aux frontières du pays de Chanaan. Or un homé est la dixième partie d'un épha.